Section 78 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 78. Monsieur Joseph Fortuna, par Frédéric Febvre, de la Comédie Française. À Monsieur Jules Claretti, chapitre 1. Lorsque vous rencontrez dans Paris ce petit homme propret, régulièrement vêtu de noir en hiver ou de nankin en été, le ruban de la Légion d'honneur à la boutonnière, la canne à la main ou le parapluie sous le bras, vous vous demandez tout naturellement ce que peut bien avoir été ce fac-similé de Joseph Prudhomme, dont il est le portrait vivant. Je vais vous le dire, car la carrière de Monsieur Joseph Fortuna n'est pas sans intérêt et vaut la peine d'être contée. Fils d'honnêtes bourgeois, tenu sur les fonts baptismaux par Joseph Prudhomme lui-même, il était, par son physique et son caractère, le digne filleul de l'élève de Brard et de Saint-Omer. Pas d'enfance ou presque pas, d'une sagesse navrante, réglée comme un papier de musique, froid comme un chiffre exact, comme un terme. C'eût été un meurtre de ne pas le destiner à la bureaucratie. Ses études achevées, bachelier comme personne, imbibé suffisamment de grec et de latin, il se fit admettre dans l'administration. C'était un employé modèle, respecté des garçons de bureau, toujours le premier arrivé et le dernier parti. Ses chefs eux-mêmes ne parlaient de lui qu'avec des larmes dans la voix. Possesseur d'une fortune modeste, mais qui eût suffi à lui donner l'indépendance, il s'était installé dans l'île Saint-Louis, un petit intérieur tenu avec le soin le plus méthodique par une vieille femme de ménage, Madame Ledoux, dont les derniers appas sur leur automne mettaient M. Fortuna à l'abri des soupçons jaloux, pour parler son style. Célibataire par goût, par tempérament et surtout par économie, il fuyait ce sexe volage et trompeur. Sa seule passion en ce monde, après lui, était la pêche à la ligne. On n'est pas parfait. Oui, mais quel pêcheur, quelle conviction, quelle conscience et quel outillage! Rien n'y manquait, pas même le poisson, car il en prenait. Le samedi, après son frugal repas du soir, il procédait à la confection de ses amorces. 4 grosses boules de terre glaise savamment arrosées de sang caillé, dans lesquelles il ajoutait machiavéliquement du blé cuit et quelques verres. Muni de cet engin irrésistible, il descendait vers 9 heures pour aller placer ses amorces à l'angle de l'ancien pont rouge, puis, ce travail accompli avec la conscience tranquille et l'espoir d'une pêche miraculeuse, il allait se mettre au lit. Il dormait d'un sommeil qui eût rendu jaloux un président d'assises. Ses rêves, cependant, étaient parfois tourmentés. Une nuit, il avait rêvé qu'il tirait de l'eau un poisson gigantesque avec lequel il luttait corps à corps. Il allait, pour en finir, lui plonger son couteau dans la gorge quand il reconnaissait dans ce poisson son chef de bureau. Horreur ! Que de peine alors pour lui retirer de la gueule, de la bouche, l'hameçon homicide ! Monsieur Fortuna se réveillait en nage, regardait autour de lui avec terreur, puis se souvenait que la veille, il avait lu ces lignes. « Les poissons sont de tous les vertébrés ceux qui donnent le moins de signes apparents de sensibilité. Leur cerveau est peu développé et les organes extérieurs des sens ne sont pas de nature à leur imprimer des ébranlements puissants. N'ayant pas l'air à leur disposition, ils sont demeurés muets ou à peu près, et tous les sentiments que la voix réveille leur sont étrangers. Aucune larme n'arrose cet œil. » Monsieur Fortuna s'était péniblement endormi, frappé de l'analogie désobligeante que peut présenter un chef de bureau avec un modeste vertébré. À son réveil, se souvenant de sa lecture, il eut alors l'explication de ce songe sanguinaire. Il avait été souvent dans sa simili-jeunesse avec son père voir des amis qui habitaient Noisiel, dans la Seine-et-Marne. Il résolut de revoir ces lieux où, enfant, il aurait pu jouer, mais, il faut bien le dire, sa passion favorite n'était pas complètement étrangère à ce déplacement inusité. Pêcher dans la Marne, bien à l'ombre sous les vieux saules, cela tenta M. Joseph et faillit lui faire perdre sa situation. Un dimanche matin, il se rendit donc à Noisiel, déjeunait rapidement dans un modeste cabaret et, longeant la rivière, se mit en quête d'une bonne place. Il la trouva et il y fut si heureux qu'il manqua l'heure du train, s'étant égaré en voulant regagner la gare. Obligé de coucher à Chelles, ce fut un de ces événements qui marquèrent dans la vie régulière d'un homme comme M. Fortunat. Au petit jour, avant l'heure du départ, il voulut tâter des îles de Chelles. C'était comme une fatalité. Les poissons semblaient voler au-devant de sa ligne. Il manqua encore l'heure du train. Pour la première fois, il n'irait pas à son bureau. Et qu'elle ait pensé de lui Madame Ledoux, sa femme de ménage ? « Bah, se dit-il, une fois n'est pas coutume, mon pays me doit bien une heure ou deux d'un plaisir qui ne blesse en rien les mœurs. Bannissons tout scrupule, foin d'un vain remords !» Et il jetait sa ligne et le poisson tentateur mordait toujours, si bien que de brèmes en barbillons, de gardons en perches, il vit pour la seconde fois le soleil se coucher derrière les grands peupliers qui ombragent la Marne s'accomplissent. Fin de la section 78, lue par Sophie France, à Veules-les-Roses en décembre 2024.